Le bâtiment c'est un four. Allez leur dire qu'on veut le racheter. S3 sur la A7, je rejoins Darka à la casté. Un gilet par balle peut rassurer l'homme. Je connais qui nous pousse dans le front gros. C'est plus comme à l'époque des franco. Les heureux nous ont tous rendu fous, ouais. Money, money dans la cabeza. Voilà, faites pas les hommes, vous touchez pas les armes. Pareil si on n'aime pas trop les hommes. Donc on le sort avant que tu le sors. Et c'est le drame. Clicos à chaque porte du péril. Tu veux jouer les mères, inintéresse qu'est péril. Tu suis pas beau qu'à péril, t'es mort dans la série. Comme Chiro, Dimasio, bande de bâtards. J'avais pas tort que des acteurs. Je veux les voir morts, je veux le pactole, je veux le Qatar. Qui va tes mères, tu t'as en camda. Tous normal, tu rembourses. On t'embrasse la calage. Toi qui rêves, fais une belle mort. On va te fumer dans ton palace. Bye bye. Bye bye. Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte. Toc toc, y'a de la visite. C'est nous déguisés en fusée. J'suis dans le bendo d'Universal. J'vais les faire seuls, j'dors à Versailles. Elle veut pas toi, t'as une petite bite, t'as une petite mine. Miskin. Appelez Poutine, tu es à Moscou. On vient pas masquer, tu vaux pas le coup. On envoie, tu peux tirer. T'as voulu t'aventurer. T'es mort, direct. Nous c'est 9-3 département le plus criminel de la Francia. Ça remonte des mecs fuck la Guardia. Équipe de Bilka c'est la Mancha. Yes. On a croisé d'enfants mon fumoir. Vous pouvez raconter toutes vos histoires. Mon bateau son état à lumière. Sœur écoute sur mon cellulaire. Passe par la boîte et pas à l'abri. On va craquer tes économies. T'es tête toute la nuit on n'a pas dormi. Je veux pas que tu m'achètes donc j'augmente le prix. Quoi tu as pas de dans sa puce. Ne tends pas ton bras, tu vas finir amputé. Ne prends pas ses patins, laisse se faire buter. C'est le G. C'est le K. C'est le G. Pourquoi je suis pas.